Débordement. Entre autres routes, celle qui m'a permis d'aller en Espagne en juillet 2008. C'était au début de la grande crise financière mondiale. J'avais choisi l'Espagne non parce que j'avais la possibilité, en y allant, de vendre des objets issus du commerce équitable sur le bord de la Méditerranée, mais parce que je voulais vivre en cueillant des oranges. Toujours dans le but d'être le plus rentable en vie. Une orange est, au niveau nutrition, un très bon fruit, avec beaucoup de calories et de vitamine C. Mais surtout, la quantité qu'un cueilleur peut récolter en une saison, 5 mois, fait que sur le plan des profits en vie humaine, cette cueillette est la plus rentable du monde, après celle des kiwis, mais la saison est courte, 3 semaines. Par contre, sur le plan financier, ce travail était le moins payé de toute l'Europe. Malgré quelques exceptions, le système capitaliste rémunère les travailleurs selon une logique inversement proportionnelle à la rentabilité en vie humaine. Autrement dit, plus un employé génère de la vie, moins il est payé. Et plus il tue, plus son salaire, sa solde, est élevé. Mais en arrivant à Valencia, Espagne, je ne le savais pas encore. J'avais voyagé avec un membre de l'association Jade. Après quelques jours dans cette ville, ma collaboratrice rentre comme prévu en France et me laissa seule pour atteindre mon double objectif, vendre des objets du commerce équitable et également cueillir des oranges pour financer mon voyage en Afrique. J'entamais une tournée des coopératives fruitières pour y trouver un emploi. Cela me permit de visiter toute la province de Valencia. Parallèlement, je continuais à vendre des objets issus d'un commerce équitable sur les plages, et notamment au bord de celles de Valencia. Malheureusement, 2 policiers sur des gyropodes, engins électriques Segway, ont saisi tout mon stock, sous prétexte que je n'avais pas d'autorisation. Or, sur le même trottoir un peu plus loin, il y avait plusieurs centaines de vendeurs à la sauvette, mais de toute façon, j'aurais refusé de participer à la corruption. Le montant que me demandait la police pour la restitution des objets était supérieur à la valeur de mon stock. J'ai décidé de mettre fin à ma démarche du commerce équitable. Les 2 valises ont dû finir dans l'incinérateur de la ville de Valencia. Plusieurs milliers d'heures de travail parties en fumée. Ma recherche de travail dans la cueillette des oranges était très tumultueuse. Déjà, je ne parlais pas espagnol, et surtout, à chaque fois que j'allais dans un nouveau village, j'avais droit à un nouveau contrôle d'identité fait par des uniformisés. Étant en charge du maintien de la paix des riches, mais ayant également une mission de maintien de l'ordre établi, ils ne comprenaient pas pourquoi un Français venait cueillir dans leur champ. Moi, qui me plaignais du harcèlement de la police française avec un contrôle papier tous les 15 jours, en Espagne j'avais vécu pire. Entre moi, ces fidèles du Gourou Nation, des adorateurs d'encre sur le fond des papiers, ont enchaîné 60 demandes de preuves pour essayer de remonter mon identité. Un jour, égaré au même endroit, j'en ai eu 3 en 6 heures. Un fait par la police municipale, un par la police nationale et un par la Guardia Civile. En ce qui concerne la cueillette, au bout de 2 mois, je n'avais toujours pas trouvé d'emploi. Au vu de l'origine des travailleurs agricoles, j'utilisais mon réseau transcontinental pour obtenir un point de connexion. C'est pourquoi j'ai appelé mes cousins au Sénégal pour leur demander comment trouver du travail en Espagne. C'est ainsi que je me suis retrouvée sur l'avenue Osias March. Il faisait représenter 8000 personnes côte à côte et de part et d'autre d'un grand boulevard. Les travailleurs attendent début les fourgonnettes qui les amèneront vers les champs d'oranges. Sur ces trottoirs, bien qu'elles soient majoritaires, il y a plus que toute l'Afrique. Il y a des représentants de toutes les régions les plus pauvres du monde. Amérique du Sud, pays de l'Est, Chine, Inde, Pakistan. C'était l'organisation strictement inverse de l'ONU. Plus c'est pauvre, plus c'est représenté. En français, il y a le pouvoir d'un Nigérian sur le plan international, c'est-à-dire qu'il n'a pas les droits de cité. Début décembre, j'ai commencé donc à fréquenter ces lieux extraordinaires. Tout commence à 5 heures du matin. À ce moment-là, les prostituées rentrent chez elles. Mais les marchés du cœur et du corps continuent, car c'est les cueilleurs qui viennent vendre le leur. Dans un premier temps, je me suis assise dans un coin pour observer la situation, voir comment cela s'organisait. Ce que j'ai vu était immoral, d'un point de vue humaniste. La crise économique qui touchait durement l'Espagne avait renvoyé sur ses trottoirs énormément d'immigrés, qui étaient les premiers à être virés par les entreprises. Un an plus tôt, ce boulevard n'était fréquenté quasiment que par ceux qui n'avaient pas encore les papiers. Malheureusement, en 2008, la concurrence faisait rage entre ceux qui étaient en situation légale, ceux qui étaient en cours d'obtention des papiers et les sans-papiers. En décembre, il y avait du travail pour 2000 personnes, donc 3 personnes sur 4 restaient sur les trottoirs. Quand une fourgonnette s'arrêtait, c'était la ruée et il y avait des bagarres. Au vu de la situation, je me posais beaucoup de questions sur ma possibilité de trouver du travail. Je l'ai déjà dit, mais la ténacité est une de mes caractéristiques et tous les matins pendant une semaine, j'y suis retournée. Dans la pénombre, je commençais à discuter et à sympathiser avec une personne originaire de Casamance, Sénégal. Il venait de débarquer sans aucun papier. En une semaine, nous sommes devenus amis. Comme toute opportunité était bonne, quand il me proposa d'accompagner voir un groupe de Sénégalais susceptibles d'avoir des besoins en main-d'œuvre, j'acceptai directement. Ils nous orientèrent vers une portion de trottoir bien spécifique. La fourgonnette d'Ali Rassa, un Pakistanais marié à une Équatorienne, s'arrêta devant nous. Le chauffeur ouvrit la porte latérale et demanda à la foule « Qui a des papiers en règle ?» Mon ami me poussa dans la fourgonnette. J'embarquai, des larmes dans les yeux, en laissant mon ami sur le trottoir, direction l'intérim RETT, au Campo del Juge. Là-bas, il y avait 200 à 300 personnes qui faisaient la queue devant les tables d'enregistrement. Je me mis dans une file avec mes camarades de fourgonnette. Quand ce fut à mon tour de présenter mes papiers d'identité, le secrétaire fut tellement étonné de voir un passeport français qu'il allait demander à son chef s'il pouvait m'enregistrer. Cette société était devenue la grosse employeuse des cueilleurs et avait depuis ses créations embauché des centaines de milliers de personnes. J'étais le premier d'origine française à m'y inscrire. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans un champ de mandarines. Je ne le savais pas encore, mais je me retrouvais dans une des meilleures équipes, ou quadrilla, de toute l'Espagne. Les chefs, ou cabo, Ali, possédaient plusieurs fourgonnettes et travaillaient depuis 20 ans avec cette société d'intérim. Il connaissait toutes les magouilles. Des stratégies et des tactiques, il y en a beaucoup pour cueillir des fruits, et c'est beaucoup plus compliqué que de jouer aux échecs. Le cueillette s'apparente à des manœuvres militaires. À la base, les règles sont simples. Une équipe est définie par une fourgonnette, donc 9 à 10 personnes qui forment une quadrilla. À la fin de la journée, l'ensemble des caisses d'oranges, réalisées par une quadrilla, sera divisé par le nombre de personnes. Si la quadrilla accueille 400 caisses et qu'elle compte 10 personnes, chaque personne sera payée 40 caisses. Cependant, si vos camarades ont cueilli chacun 44 caisses et que vous n'avez cueilli que 4 caisses, vous serez tous payés 40 caisses. Il y a donc une énorme pression à l'intérieur des quadrillas pour que chacun cueille le plus vite possible. Alors, imaginez-vous la pression qu'une personne d'origine subsaharienne peut mettre à ses collègues, sachant qu'il doit faire vivre tant de personnes avec son travail. Pour lui, une caisse, c'est une journée de vie pour un membre de sa famille. De plus, les quadrillas sont mises en compétition. Il y a des 4 et jusqu'à 20 quadrillas, 40 à 200 personnes, dans un même champ. Les bilans d'une même journée entre deux quadrillas dans le même champ peuvent varier du simple au double. Pendant qu'une a recueilli 300 caisses, l'autre en a recueilli 600, donc payé double. D'où l'importance de bien choisir sa quadrilla et les membres de celle-ci. Pour cela, il y a des centaines de facteurs à prendre en compte. En voici quelques-uns. L'expérience du cabot, chef, les prix du transport, environ 6 euros, les nombres de caisses possibles ou disponibles, les temps de trajet, le type de fruits à cueillir, la météo du jour, l'âge des arbres, le nombre des lignes, la longueur des lignes qui définit les temps des marches jusqu'au camion, la réputation des quadrillas concurrentes, la météo de la veille pour l'état du sol, etc. Tout cela avant de monter dans une fourgonnette. Mais comment cela se passe-t-il lors de la cueillette? Dans un champ, il y a un certain nombre de rangées d'arbres, de 10 à 400, et sous chaque rangée, jusqu'à 200 arbres. En arrivant le matin, la première chose que les quadrilles font, c'est un feu où tous les cueilleurs viennent se réchauffer et discuter pendant que le soleil s'élève. Ensuite vient le moment de l'enregistrement. C'est un grand moment de tension. Une personne de la société d'intérim vient pour enregistrer le nombre de personnes dans chaque quadrilla et surtout faire la vérification des identités. Il contrôle dans un premier temps les papiers. Ensuite, il scanne les empreintes digitales en les comparant avec leur base de données. Lors de cette mascarade hypocrite, sur 100 personnes, il y en a toujours une ou deux qui se font renvoyer. Mais disons pudiquement que certains réussissent à maquiller leur identité. Cette démarche n'a pour but que de dire qu'ils ont fait quelque chose dans les cas de contrôle des nationalistes. Une fois cette inutilité effectuée, lorsque la rosée a disparu et que la météo semble suffisamment bonne pour remplir un camion, il a affecté 3 ou 4 rangées d'arbres à chaque quadrilla, donc 2 ou 3 personnes par rangée. Tous les cueilleurs se mettent face à leur rangée d'arbres. L'ambiance est la même qu'au départ d'un marathon. Les propriétaires du champ disent « Allez, c'est bon !» et des centaines de mains se lancent à l'assaut des oranges. Lorsque vous commencez le matin, vous savez rarement combien il y aura des caisses et des champs à cueillir, ou s'il ne va pas pleuvoir. Donc, vous ne savez pas si cela va durer une demi-heure ou 10 heures d'affilée. Il n'y a pas de pause repas. Les débutants commencent à fond. Ceux qui ont un peu plus d'expérience savent qu'en moyenne aujourd'hui, ils vont faire 10 km à pied, donc 5 km chargés avec 25 kg d'oranges, et que la course qui s'engage, ils devront la faire aussi demain et après-demain et pendant des années. La plupart des nouveaux qui partent en fond ne tiennent pas 2 jours consécutifs. Mais en 2008, le nombre de personnes sur les trottoirs était tellement important que certains quadrillas obligeaient leurs membres à courir. Et si un ne le faisait pas, le lendemain, il est laissé sur le trottoir pour épouser un autre nouveau. Travailler dans ces conditions tue, et le trottoir était la réserve des chars à canon. Comme je l'ai écrit précédemment, cueillir exige des stratégies guerrières. Les boulets sont oranges et les champs sont des batailles. Dans les manœuvres, la vitesse n'est pas le facteur le plus important. Là où on peut gagner le plus, c'est sur l'organisation, la triche et les tactiques. Parmi les centaines de tactiques, je prendrai comme exemple celle des arbres oubliés, car elle reflète l'étendue temporelle. Si votre quadrilla est affectée aux premières lignes, les cueilleurs de la première ligne ont intérêt à oublier les 5 derniers arbres de leur ligne. Car lorsqu'ils reviennent au camion, en prétendant d'avoir fini leur rangée d'arbres, les responsables du champ réaffectent à la quadrilla de nouvelles lignes. Donc, votre quadrilla est la seule à savoir qu'il reste des arbres à cueillir dans un des angles du champ. Quand le champ sera terminé dans les coins opposés, fin de la dernière ligne, il y aura toutes les quadrillas en un point. Donc jusqu'à 50 personnes sur un seul arbre essayant de cueillir les dernières oranges dans un chaos indescriptible. À ce moment-là, votre quadrilla récolte ses intérêts en revenant cueillir discrètement les arbres qu'elle a judicieusement gardés en réserve. Parmi toutes les triches, la plus connue et la plus utilisée est l'échappotage. Normalement, une orange doit être cueillie en coupant la branche avec un ciseau. Mais il est 2 fois plus rapide de les arracher avec nos mains. Malheureusement, lorsque le décrochage est fait en tirant dessus, l'orange se conserve moins longtemps. Elle perd le petit opercule vert en forme de fleur à 4 pétales, qui en séchant va faire un bouchon. De plus, avec cette technique, une orange sur 4 sera déchirée et jetée. Quand le responsable du champ passe à inspecter les caisses, c'est ce qu'il vérifie en premier, que les oranges ont bien été cueillies avec un ciseau. Cependant, vu le nombre de caisses, ils n'ont pas le temps de les vérifier toutes. Ils en vérifient 1 sur 50 et uniquement les oranges sur le dessus de la caisse. Sachant cela, le cueilleur va couper la première moitié de son panier avec les ciseaux et la deuxième en les arrachant avec la main. Lorsqu'il vide son panier dans une caisse, les oranges cueillies à la main se retrouvent au fond. Et sur le dessus, se retrouvent toutes les oranges cueillies au ciseau. Et le contrôleur est content. C'est ce que l'on appelle chapeauter. En ce qui concerne l'organisation, le but est de diminuer l'énergie dépensée par caisse. Tout est possible. J'en ai retiré une leçon très importante. La diversité humaine l'emporte sur la standardisation. Une petite et une grande personne ont tout intérêt à cueillir ensemble. Les femmes sont plus rapides pour remplir le panier, les hommes transportent plus vite. La diversité génère du gain en vie, car elle permet une optimisation des efforts. Il y a un gros aspect cérébral dans la cueillette. Mais en pratique, lorsque je suis entrée dans mon premier champ et que j'ai commencé à cueillir, là, j'ai eu la très grande surprise de voir que les arbres défendent leurs fruits. L'image d'épinal du petit arbre rond avec des boules oranges à sa surface s'est vite effacée. Il y a des épines sur un orangé et pas des petites. 5 cm de long et effilées comme des aiguilles. Plus grandes que celles qu'on représente sous la couronne de Jésus crucifié. Mentalement, pour vivre dans des champs, il faut dépasser la peur de l'impénétration. Les avant-bras des cueilleurs sont lacérés et couverts de cicatrices. De plus, les arbres peuvent atteindre jusqu'à 7 mètres de haut. Il faut grimper au sommet et avec une main, car l'autre tient les ciseaux. Opération risquée. Et il y a de nombreuses chutes pour que l'arbre soit nettoyé de tous ses fruits. Il ne faut pas imaginer que les chemins pour rejoindre les camions soient moins dangereux, car c'est un calvaire semé d'embûches, de la boue, des escaliers, des petits ruisseaux, etc. Non, les cueilleurs ne travaillent pas en chantant, comme dans les publicités. Les seules paroles sont celles des responsables des quadrillas qui gueulent d'aller plus vite pour les 10 euros et les 2 euros mortifères, le capitalisme. Le lendemain de mon premier jour de cueillette, j'avais mal partout, mais je me suis accroché pour les biens. Chaque matin, Ali me reprenait. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi. Mais je me suis aperçu qu'il m'exploitait, normal. Pourtant, j'étais 2 fois plus lent que mes camarades. Comment je le savais? C'est très simple. Entre cueilleurs, il y a les jeux du premier sorti. Le principe est le suivant. Sachant que l'on commence tous en même temps, donc nos paniers sont finis presque en même temps. On voit qui verse dans les caisses en premier et en deuxième. Au fur et à mesure, les écarts s'écrosent, mais on sait au moins toujours qui est avant et qui est après nous. Bien sûr, les places changent en fonction de la fatigue des uns et des autres. C'est un véritable marathon qui est en cours chaque jour, tous les jours et sur plusieurs mois. Il y a souvent des Espagnols qui se mettent autour du champ pour prendre des paris sur qui sera le premier. Pourquoi Ali me gardait-il? Moi qui étais le plus lent. Entre autres parce que je ne trichais jamais. Et j'ai nettoyé les champs derrière ceux présentés comme ses champions. En plus, il avait besoin de mes paniers pour chapeauter leurs triches. C'est-à-dire que lorsque j'ai vidé mon panier, les chefs d'équipe redistribuaient mes oranges au sommet des autres caisses. Résultat, cela faussait les paris. Un peu grâce à moi, il pouvait dire qu'il avait dans son équipe les champions du champ, car le jeu du premier sorti se pratique aussi entre quadrillas. C'est important, la guerre psychologique et la réputation. Les premiers mois, j'étais crédule. J'ai coupé tout au ciseau pour ne pas abîmer les oranges, par conviction pour la vie. Dans cette première quadrilla, celle d'Ali, je suis resté 3 mois. L'équipe fut démantelée car ils s'aperçurent au niveau de coopérative que les taux d'oranges abîmés étaient trop importants. Mais je ne suis pas resté longtemps sur les trottoirs. J'avais un papier rare chez les cueilleurs, le permis de conduire. Et surtout, je suis un excellent conducteur, avec 20 ans d'expérience sans accident sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres, dont la plupart faits avec un fourgon. J'incorporais donc directement une autre équipe dont le responsable était lui aussi un Pakistanais, Zamir, marié à une Bulgare. Il était aussi un ancien de la boîte d'intérim avec 15 ans d'expérience. Les pays étaient plus petites qu'avec Ali, mais il y avait moins de triches, plus de diversité et plus de liberté. Le plus gros défaut de Zamir était d'être très papier d'identité, mais il faut dire que son gagne-pain, c'était le transport. Il avait 2 fourgonnettes, donc il en conduisait une pendant que je conduisais l'autre. Mon seul avantage était de ne plus payer le transport. Par contre, toutes les personnes qui voulaient aller travailler devaient, avant de monter dans la fourgonnette, lui verser 6 euros. Avant même que l'on soit parti, Zamir avait déjà gagné sa journée, c'est-à-dire 100 euros. Ce, sauf si ses passagers se faisaient refuser à l'enregistrement, dû sa paranoïa sur les papiers. Cependant, il est remarquable que lorsque la main-d'œuvre devient rare sur le trottoir, lui, ainsi que le contrôleur de l'intérim, devient moins regardant sur la véracité des identités. Donc, le capitalisme peut rendre aveugle même les nationalistes. Leurs valeurs sont fluctuantes, leur morale a un prix et leur âme est corruptible. Malgré tout, Zamir nous laissait beaucoup de liberté pour nous organiser. Nous étions la guérilla la plus diverse de Valencia, avec 30% des femmes et des origines très variées. Chine, Pakistan, Bulgarie, Pologne, Pérou, Algérie, Mali, Lettonie et Sénégal. Nous gagnons en moyenne 12 euros par jour, avec départ à 6 euros du trottoir et retour vers 17 heures, donc 11 heures après. Grossièrement, 1 euro par heure. Comment est-ce possible alors qu'il y a un salaire minimum de 6 euros de l'heure? Eh bien, grâce à un super magouille. Normalement, en Europe, le travail à la tâche est interdit. Mais ici, chaque caisse est reconvertie en temps de travail. En prenant le temps inscrit sur nos fiches de paye, nous pouvons déduire qu'une caisse devrait être faite en 5 minutes et 30 secondes. Dans la réalité, la moyenne d'une caisse est de plus de 12 minutes, et cela depuis des centaines d'années. Comment expliquer que ces temps aient été divisés par deux en quelques années? Serions-nous devenus des Superman? Encore mieux, comment expliquer que ces temps aient diminué en cours de saison? Pourtant, c'est les mêmes caisses. En plus de ces temps, il faudrait rajouter les chargements du camion, les temps d'attente et les transports. C'est ainsi qu'en février 2009, j'ai été payé 128 euros pour 15 jours de travail. En 8 mois à Valencia, dont 5 mois de cueillette, j'ai gagné environ 1 800 euros. Néanmoins, dans l'industrie fruitière, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Dans le négoce des oranges, le commercial qui va vendre les contenus du camion gagnera en 10 minutes plus que l'ensemble des cueilleurs qui ont rempli les camions. Il décroche le téléphone, prend la commande, avertit la coopérative et tout cela assis dans son fauteuil. Son espérance de vie est de plus de 80 ans, celle des cueilleurs de moins de 50 ans. Je ne répéterai jamais assez que la cueillette des oranges est un travail extrêmement dur physiquement et intellectuellement. Il n'y a personne qui puisse tenir plus de 5 ans à ce rythme. Serait-ce pour cela que des autorisations de séjour de 3 ans sont délivrées aux travailleurs agricoles? Après quoi, ils sont renvoyés pour mourir ailleurs, loin des ambulances, des hôpitaux, des médecins, des maisons de retraite et de la sécurité sociale. Pourtant, déduite de leur paye. Cependant, tout n'est pas épouvantable dans les champs. Malgré un système qui pousse les travailleurs à être dans une compétition dont l'aboutissement logique devrait être l'autodestruction, il y a au contraire une camaraderie qui se crée. Une solidarité apparaît en réaction à cette organisation malfaisante. Une fois que vous êtes inscrit dans les fichiers de contrôle de l'intérim, vous pouvez travailler quand vous voulez et surtout changer des quadrillas quand vous voulez. Il faut savoir qu'il y a un turnover très important dans les quadrillas. En moyenne, 30% de l'équipe change chaque jour. Par exemple, lorsque Zamir n'avait pas de travail, je retournais sur le trottoir et je cueillais avec d'autres quadrillas. Certaines semaines, je cueillais avec 4 quadrillas différentes. Au final, tous les cueilleurs se connaissent. En quelques mois, ces 4000 personnes m'étaient devenues familières. Au départ sur l'avenue, les groupes sont encore communautaires, surtout en fonction de la langue parlée. Mais une fois dans les champs, une fraternité entre cueilleurs naît les matins autour du feu. Un foyer commun où tout le monde discute avec tout le monde. Plus de continents, plus de nations, plus de quadrillas. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris et qui va me servir dans mes aventures, c'est que quel que ce soit l'endroit du monde où vous vous trouverez, si vous faites un feu, vous faites des amis. C'est d'ailleurs le lieu le plus naturel pour échanger des idées, car c'est autour des feux que s'est forgée l'humanité, les débats. C'est en me réchauffant auprès d'eux que j'ai appris ce qui s'est passé en Afrique. C'est assis à leur côté que j'ai reçu les meilleurs conseils sur les trajets, la géopolitique, la culture, la vie. L'avantage quand on discute entre travailleurs à la tâche, c'est qu'il y a moins d'hypocrisie. Tout le monde était franc sur ses intentions. J'ai pu constater que j'étais entouré d'une grosse majorité de très capitalistes. Leur but, gagner le maximum d'argent ici pour aller exploiter plus loin. Lors des discussions, malgré notre petite quantité de vocabulaire commun, nous nous attaquions idéologiquement. Mes opposants n'ont jamais pu justifier leur démarche autrement que par l'irrationnel. Et en tout cas, mon but est rester plus de vie, n'est jamais devenu plus d'argent. Je n'ai fait aucune concession, même au boulot, du radicalisme humaniste. En dehors du boulot, je continue à faire évoluer mes projets humanitaires. Malheureusement, le travail de cueilleur d'orange est très prenant. Pour mon cas, lever 4h45 et retour à 18h puis douche, repas, préparation du lendemain, 23 heures couchées, et cela 7 jours sur 7, pas de dimanche dans la cueillette. Pour gagner un peu, il faut aller tous les jours sur le trottoir à 5h30, essayer de saisir une opportunité. Fin de l'espoir à 9h, car après, plus aucune fourgonnette ne passera. Bien heureusement, il y avait des périodes de 4, 5, 6 jours de pluie. Donc je l'ai consacré à l'amélioration de mon éolienne. C'était un projet passionnant qui dura 2 ans et sur lequel je pourrais écrire un livre. Je vais donc faire un super bref résumé. Mon but technique était de produire du courant de A à Z avec uniquement de la récupération ou du recyclage. Des hélices en bois, montées sur de vieux alternateurs de voitures qui envoyaient du 12 volts dans un circuit électronique chargeant des batteries artisanales. Mon but humanitaire était de transférer l'expérience et le savoir-faire acquis en Afrique de l'Ouest, zone où le courant est produit à partir de pétrole et où il y a beaucoup de vent. Plus facile à écrire qu'à faire, ce fut complexe. Mais pas insurmontable, petit à petit je perfectionnais et je produisais de plus en plus de courant. Comme ma création était installée sur le toit de mon fourgon, cela me permettait de rouler à différentes vitesses pour tester les évolutions. Bien sûr, je faisais cela sur route fermée ou la nuit. C'est d'ailleurs sur une route fermée qu'au printemps 2009, en faisant un test où j'ai la fierté d'avoir produit 3,8 ampères pour 35 km/h, bon score, que la police m'arrêta. Ils accouraient du poulailler. Ces agents de basse-cour, castrés, voulaient castrer ceux qui ne participent pas à leur alimentation. Ce mauvais grain qui leur est jeté et qu'ils mangent dans leur merde à la sortie des cages. J'ai protesté. Pourquoi m'arrêter ici, poulet, alors qu'il n'y a aucune circulation, donc aucun risque? Je ne le savais pas encore, mais la sécurité n'était pas leur préoccupation. À la fin des vergers, il y avait une grande fête à Valencia, avec d'immenses feux d'artifice. Des personnes du monde entier et une bonne partie de l'Espagne y assistent. Pour cette occasion, la police part à la chasse de tous les pauvres et des originaux de la ville. Autant dire que les cueilleurs sont méchamment invités à dégager. Paradoxalement, à l'origine, cet événement devait fêter la récolte des oranges. Donc, sous un faux prétexte, ces écervelés m'ont mis une amende avec confiscation des papiers, immobilisation sur le parking du commissariat et obligation de démonter mon éolienne. Leur prévision était que j'allais fuir le poulailler valencien, mais d'après la loi, j'avais 1 mois pour démonter la structure. J'ai donc décidé de les faire chier en vivant devant leur commissariat de merde. Coup double, j'en profitais aussi pour informer les gens, venus pour cette fête, sur leur pratique. Pour ce faire, j'écrivis sur une grande toile accrochée sur un des côtés de mon fourgon les raisons de ma présence. Prisonnier du parking. Le 4 mars 2009, les agents 21 665 et 21 403 du commissariat à 50 mètres m'ont obligé à les suivre jusqu'ici. Puis ils ont pris les papiers du véhicule. Ils me raquettent de 150 € pour me les rendre. C'est le montant d'une amende pour « avoir effectué une modification importante de la dimension du véhicule sans autorisation ». Or, l'éolienne est sur une galerie avec laquelle j'ai passé le contrôle technique en France et l'on peut installer ce que l'on veut sur une galerie. Mais, comme me l'a fait comprendre la police, le but est que je ne rentre pas dans Valence lors de la fête des Fayas. Je pourrais faire peur à quelques riches touristes. D'ailleurs, à cette occasion, Valence a été nettoyée de tous les pauvres visibles. Je vis en cueillant des fruits actuellement 1 € par heure, donc 150 € égale 1 mois de travail. Sur cette saison, la communauté valencienne, l'Espagne et l'Europe m'ont taxé de 13 000 € sur mon travail. Ce qui permet entre autres de payer le salaire de ces policiers qui cherchent à tout rendre uniforme. L'uniformisation tue. Mon fourgon est différent avec son éolienne, mais elle me permet d'économiser 40 litres de carburant par mois, soit sur 10 ans plus de 6 000 litres, ce qui équivaut à 6 000 kg de carbone, donc 18 000 kg de gaz carbonique. La Terre ne peut absorber que la moitié du gaz, donc les 9 000 kg feront disparaître un équivalent de 30 mètres carrés de forêt par réchauffement de la planète. Pour faire vivre un humain, il faut 500 mètres carrés. En moyenne, il vit 60 ans. Enlever l'éolienne revient donc à raccourcir de 3 ans la vie d'un humain, soit 110 secondes de vie humaine perdue par kilo de CO2 fossile. Vous ne trouverez cette estimation nulle part ailleurs que dans ce livre. Pourtant, ce chiffre est hyper important pour nous, humains. Il permet de tout comparer, Les économies, les politiques, les projets, les entreprises, les objets, les transports, les aliments, même la nocivité de chaque habitant. C'est pourquoi le système capitaliste ne veut surtout pas qu'il soit généré, et encore moins qu'il soit pris comme référence, sinon nous pourrions comparer les rentabilités en vie de chaque chose. En achetant ce livre sous forme papier, vous avez une dette envers l'humanité de 5 minutes. En produisant un kilo d'orange, vous avez une dette de 2 minutes et un gain de 2h24 minutes, soit un résultat de 2h22 minutes en bénéfice pour l'humanité. Un calcul qui est même à la portée d'un fonctionnaire de police, mais j'ai pu noter chez eux un certain manque de volonté. Au bout d'un mois, je démontais l'éolienne et sa structure, payais la contravention, sortie de la ville, puis la remontais juste après la sortie. Pour information, 6 mois plus tard, je fis une expédition punitive et nocturne lors de laquelle j'ai arrosé avec de l'acide leur voiture et leur moto. S'en sont-ils aperçus avant de s'y asseoir? Une question qui n'était pas d'actualité lorsque je repris la route. La cueillette des oranges se finissant en avril, depuis mars la question était « Où aller ensuite ?» Le sud, c'est les fraises et les tomates. Le nord, c'est les pêches et les pommes. Je choisis d'aller vers le nord. La route du retour vers la France, et surtout parce qu'Aboulaï m'avait assuré de m'y trouver du travail. Je pris la direction de la ville de Saragosse, en Catalogne, à 200 km à l'ouest de Barcelone. Cette région fut le bastion des anarchistes, et l'ambiance y était totalement différente de Valencia, qui, elle, était historiquement la capitale des royalistes. Comme la promesse d'embauche n'était pas vraie, je fis le tour de toutes les agences d'intérim. L'une d'elles impliquée dans l'écologie recrutait pour des travaux dans des champs d'oignons. C'est ainsi que quelques jours plus tard, je me retrouvais avec une trentaine de nouveaux collègues devant un champ circulaire de 400 mètres de diamètre, donc 1,3 km pour en faire le tour, le but étant d'enlever les mauvaises herbes. Sur 30 personnes, une seule avait déjà fait ce travail l'année précédente. Chacun a pris sa rangée d'oignons, nous avons courbé nos dos et commencé à tirer sur les mauvaises herbes. Il n'a fallu que 10 minutes pour qu'un camarade demande au seul revenant la question que nous nous posions tous. C'est quoi la technique pour ne pas avoir mal au dos? La réponse fut brève et tragiquement marrante, bien que personne n'en rigolât. Ibuprofène. La première journée fut une hécatombe. Beaucoup durent être remplacés le lendemain. Ce travail était payé 6 euros de l'heure, mais les douleurs n'étaient pas aussi bien réparties que dans les cueillettes. Le plus gros problème était de devoir tirer dans cette position. Certaines herbes avaient des racines qui pénétraient jusqu'à 30 cm dans le sol, et d'autres simplement posées sur le sol. Certaines fois, on était obligé de s'y reprendre à deux fois, et d'autres ont manqué de tomber à la renverse. Au début, le plus douloureux était justement de ne pas savoir quelle force appliquer à chaque espèce de plante. Après 3 semaines, le nettoyage des champs d'oignons était terminé, et j'avais une promesse d'embauche pour leur récolte 1 mois plus tard. Sans attendre, je décidai de tenter ma chance dans les petits villages. Comme à Valencia, moi et d'autres demandeurs d'emploi, nous installions debout dans la rue principale, dans l'attente d'un éventuel besoin. Un matin, dans le petit village d'Alfamen, le conducteur d'un 4x4 s'arrête à ma hauteur et dit « 4 ». Je me tourne vers mes collègues de trottoir, qui acquiescent, et nous montons à l'arrière du véhicule. C'était parti pour la cueillette des cerises. Notre équipe était paritaire, avec 5 hommes africains et 5 femmes roumaines tziganes. Or, dans les champs environnants, les équipes étaient exclusivement constituées de femmes. Elles dominent les hommes dans cette cueillette. Déjà ici, pas question de force, car les seaux sont très légers, 8 kilos, et ils sont déchargés à moins de 50 mètres. Ensuite, le but étant de décrocher les cerises avec leur queue, des petits doigts agiles sont plus efficaces. Enfin, une des techniques principales était de coincer et maintenir les branches entre ses cuisses pour que les deux mains soient libres. Mes confrères et moi souffrions beaucoup au niveau de nos testicules, surtout par grand vent. Ce labeur dura 1 mois et demi, avec quelques jours de débauche pour cause de pluie. L'ambiance dans le village était bonne, les immigrés y vivaient en symbiose avec la population. En périphérie, une petite étable était squattée par une centaine de sans-papiers. Ils y vivaient depuis plus de 2 mois et y avaient fait une cité, chose inimaginable en France à cette époque de Sarkozy, où la police aurait été appelée immédiatement. C'était le milieu de l'été, Je déclinais l'offre d'emploi pour la récolte des oignons et je décidais de rentrer à Albertville, Savoie, France, pour deux raisons. La première, changer mon moteur. La deuxième, régler mes comptes avec l'administration française. J'étais assez satisfait de mon séjour en Espagne. En phase avec mes convictions, j'avais œuvré à nourrir l'humanité, fait des rencontres humainement intéressantes, et le tout sans avoir pollué, donc semé de la mort. Pour la première fois de ma vie, je pouvais affirmer que ma vie était bénéficiaire en vie. Mais pas de vacances, c'était le temps de maximiser le profit en vie et de faire toujours mieux. La pompe à injection de mon moteur faisait une combustion imparfaite de l'huile de friture recyclée. J'entrepris donc de changer le moteur et d'améliorer les dispositifs pour rouler à 100% à l'huile végétale. Le principe, c'est que l'huile végétale et le gasoil ont le même pouvoir comme carburant. Il y a 100 ans, le gasoil a été créé à partir du pétrole pour remplacer l'huile végétale. Mais l'huile reste le carburant originel du moteur diesel. Donc dès leur début et jusqu'à aujourd'hui, les moteurs diesel sont conçus pour fonctionner et peuvent toujours fonctionner avec de l'huile de friture. Pourquoi ai-je décidé de réutiliser l'huile végétale pour avancer ? La quasi-totalité de l'énergie renouvelable vient du soleil. Vent, rayons, plantes, etc. Une partie de son rayonnement va pénétrer la plante et provoquer la photosynthèse. Lors de cette opération, les végétaux vont prendre le gaz carbonique dans l'atmosphère pour le transformer en huile végétale. Lorsque l'on brûle cette huile dans un moteur, on renvoie dans l'atmosphère la même quantité de gaz carbonique que la plante a capturé initialement. Il n'y a pas de rajout de gaz carbonique dans l'atmosphère. Au bilan, on ne participe pas au réchauffement climatique comme le font ceux qui utilisent des énergies fossiles. Avec l'huile végétale, on roule au soleil. Le gasoil fossile est polluant, mais hormis son prix plus bas qui est la cause principale de son utilisation, il a quand même un autre avantage. C'est qu'il reste liquide quand il fait froid alors que l'huile fige. Pour pallier ce petit problème et pour un petit prix, moins de 100 euros, je construisis deux accessoires au moteur, un réchauffeur et un réservoir annexe pour l'huile. Leur principe d'utilisation est très simple. Il faut éviter qu'il y ait de l'huile végétale au démarrage. Démarrage avec le gasoil, le moteur commence à chauffer, le moteur chauffe l'eau de refroidissement. Cette eau devenue chaude circule dans un tuyau qui passe dans le réservoir d'huile végétale. Ce tuyau va transmettre sa chaleur à l'huile figée. L'huile figée va se réchauffer et devenir liquide. Puis remplacement du gasoil par l'huile en tournant un mitigeur de salle de bain avec un côté branché sur le gasoil et l'autre sur l'huile. C'est ainsi qu'après 10 minutes, vous pouvez rouler à l'huile végétale, gratuitement si recyclée, et sans participer au réchauffement climatique. Enfin, à votre arrivée à destination, avant d'éteindre votre moteur, il est très important de remettre le mitigeur du côté gasoil pour remplacer l'huile végétale dans le circuit moteur. Ainsi, quand le moteur sera redevenu froid, vous redémarrez au gasoil liquide et ainsi de suite, à chaque trajet et pour l'éternité. Fin septembre, je repris la route avec mon nouveau moteur. Je partis comme une balle en direction de Paris pour régler son compte à l'administration. J'avais créé la société V360 et en tant que gérant, j'ai payé des cotisations sociales. Parallèlement, j'avais cueilli des fruits, donc j'avais repayé les mêmes cotisations. Malgré les nombreuses promesses de régularisation faites lors de la liquidation de la société, rien. Je revenais donc leur demander des explications et tout solder. Mes interlocuteurs institutionnels reconnaissaient une fois de plus que j'avais raison. Pendant toutes ces années, j'avais mis un point d'honneur à ne pas profiter de cet état mortifère. J'avais perdu mes illusions sur le bien fondé de ces sociétés françaises. Sachant que j'allais les quitter, ils essayaient de ne pas rembourser en gagnant du temps, ou, de mon point de vue, en m'en faisant perdre. En résumé, des fonctionnaires travaillant pour une organisation produisant de la mort font perdre du temps à une personne œuvrant à générer de la vie. C'est une sorte de crime contre l'humanité. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre ce qu'il me devait en m'inscrivant au chômage. Effectivement, j'allais récupérer mon dû en euros. Mais où était l'intérêt pour la vie ? Je profitais de ma présence à Paris et de leur ignorance de ce fait. La vengeance est un devoir vital. Il est évident que pardonner, c'est accepter que le mal continue sur d'autres. Par exemple, si nous ne mettons pas hors d'état de nuire nos agresseurs, nous sommes responsables des prochains dommages ou crimes qu'ils commettront. Car ils en commettront. L'humanité subira les conséquences de cette complicité. La générosité exige une vengeance rentable, et croire en une justice, divine ou pas, c'est de la lâcheté. Un de mes principes est que si on me fait perdre une unité, euro, temps, santé, celui qui me l'a fait perdre doit, au moins, perdre 10 fois plus. Durant ce mois d'octobre, la problématique était de bien cibler, ou bien de cibler le mal. J'ai donc décidé d'attaquer les véhicules avec de trop gros moteurs pour la circulation parisienne, voitures de 4x4, de sport ou de luxe. J'étais tellement pauvre que je ne pouvais pas même me payer le métro, donc j'ai dû marcher. Et j'en ai fait beaucoup, des kilomètres, pour ces démarches administratives. Très beaucoup au profit de la vie. Dommage pour eux, je suis partie à la chasse. Munie d'une sorte de pistolet à eau caché dans un sac en bandoulière, j'arrosais avec de l'acide tous les véhicules polluants. Bien sûr, les véhicules désautorisants, comme ceux de la police ou des militaires, n'y échappaient pas. Ce fut un safari urbain, une vraie jouissance où chaque giclée était orgasmique. Pour générer de la vie, il faut qu'au bout il y ait quelque chose qui en sorte pour l'inscrire dans le temps. Je préconise l'acide nitrique, sulfurique ou chlorhydrique, ou encore mieux, la soude caustique concentrée très efficace sur les peintures. La prescription de cette attaque n'étant pas encore effective, je ne citerai aucun chiffre, mais les pertes en argent furent conséquentes pour les pollueurs. À vengeance en partie assouvie et mon inscription au chômage réalisée, il était fin novembre. La récolte des oranges recommençait, donc je repartais dans les champs. En arrivant à Valencia, Espagne, il me restait 80 euros et une bouteille d'acide avec laquelle j'ai arrosé les autorisants espagnols. À la différence de ma première venue dans cette ville, un an auparavant, je connaissais suffisamment de monde pour que le lendemain de mon arrivée, je récolte mes premières mandarines. La routine recommençait. Je cueillais principalement avec Zamir, à qui j'étais devenue indispensable car la police lui avait retiré son permis de conduire. Lorsque Zamir n'avait pas de contrat, je m'intégrais facilement dans d'autres quadrillas. Mon expérience grandissait, ainsi que mes capacités et mes réflexes, si bien que je devins très performant. C'est lors de cet hiver 2009-2010 que j'ai atteint le sommet de ma forme physique. Je n'étais plus le dernier à la course, mais plutôt dans les 3 premiers. On ne me prenait plus parce que j'avais le permis de conduire, mais parce que j'étais un bon, voire un très bon cueilleur. J'avouerai que malgré les conditions difficiles, je commençais à prendre un certain plaisir à cueillir en cette fin de saison. C'est à ce moment-là que les payeurs, l'agence d'intérim Aire ETT, ont fait une folie. Ils ont décidé de m'arnaquer, ainsi que ceux qui récoltaient avec moi. La saison d'été arrivant bientôt, nous étions en instance de partir vers d'autres régions lorsqu'ils nous ont proposé des nouveaux contrats. C'était pour le travail extrêmement pénible du ramassage des oignons. Nous, c'est-à-dire 200 personnes, avons travaillé pendant 3 semaines environ 5 heures par jour. Ils nous promettaient une rémunération de 6 euros par heure. Résultat, inscrit sur ma fiche de paye et somme effectivement versée sur mon compte pour plus de 100 heures de travail, 68 euros, soit moins de 70 centimes d'euros de l'heure. Cela alors que pour moi, je ne payais pas le transport. D'ailleurs, à cette époque, Zamir ne venait plus dans les champs. Il récupérait l'argent au départ, puis retournait se coucher. C'était moi qui conduisais les travailleurs au boulot. J'étais donc bien placée pour savoir que mes passagers ont tous payé 5 euros en liquide par trajet. Donc au bilan, en travaillant, ils ont versé de l'argent. Mes camarades passagers ont perdu 25 centimes d'euros par heure travaillée. Les travailleurs ont payé pour récolter des oignons. Cela était possible car la plupart n'avaient pas les moyens légaux de se plaindre, ayant une identité trafiquée. Les autres comme moi n'ont été au courant de la paye qu'un mois après, et nous étions tous embauchés à des centaines de kilomètres de Valencia. Cependant, les agents d'intérim n'étaient pas les seuls à profiter de la situation. Il y avait aussi beaucoup de particuliers qui offraient des emplois non déclarés. Avec eux, cela pouvait être mieux payé, mais le risque de ne pas être payé était plus grand. Dans ce cas, ça se passait toujours ainsi. Ils disaient « La coopérative ne nous a pas encore payé, on va vous payer demain. » Puis après-demain, puis le surlendemain. Enfin, ils disparaissaient. Sur les trottoirs de Valencia, c'était déjà arrivé à tous les cueilleurs. Quantitativement, si la société voulait éponger toutes les dettes, elle devrait verser plusieurs dizaines de millions d'euros aux cueilleurs. Un jour, Il y aura un ras-le-bol, et c'est de la haine qui se déversera dans les rues. J'ai vu des hommes pleurer sur ces trottoirs. Ils s'apercevaient qu'ici, ils étaient moins considérés que des animaux domestiques. Un âne coûte plus cher qu'un sans-papier. S'ils osent demander respect ou justice, ils sont immédiatement renvoyés dans le mouroir qu'ils ont quitté. Par contre, ce n'est pas de la police ou de l'acte d'être expulsé qu'ils ont peur. C'est surtout, après, de devoir supporter les critiques de leur famille, et encore pire, de devoir admettre que leur rêve de gloire européen était illusion. Mais personnellement, je n'étais pas dans leur cas, et sur moi, la magie n'opérait plus. Mon devoir, c'est la vengeance. C'est un plat que je sers à point, voire à deux points, voire plus loin. Cueillir des oranges, c'est bien, mais le bien ne s'arrête pas au travail. Lors de cette saison d'hiver 2009-2010, le fourgon était énergiquement autonome. Avec mon éolienne artisanale, je produisais ma propre électricité et je me déplaçais avec de l'huile végétale recyclée. De plus, je consacrais une partie de mon temps hors récolte à synthétiser des informations pour la construction des premiers hauts fourneaux africains. J'avais compilé plusieurs centaines de pages sur l'histoire et la construction de ces fours, mais il y avait encore beaucoup d'incertitudes en cet avril 2010. Alors que j'étais dans un cybercafé, en train d'essayer de trouver des informations sur la taille idéale que devait avoir du minerai pour qu'il fonde, dans ma recherche Google, je vois « bouche à feu ». Des fois, sur Internet, on clique sur des liens sans vraiment savoir pourquoi. Avec les termes « bouche à feu », un titre bien putaclic, j'aurais pu tomber nez à nez avec un dragon. Par curiosité, j'ai suivi le lien qui m'amena sur la fabrication des canons au temps de Napoléon. Ce livre numérisé me renvoie vers un autre, spécialisé dans la fabrication du fer. Sidérotechnie, volume 1, 2, 3, 4, au total 1400 pages pour construire et utiliser un haut fourneau. Ce livre a été commandé par Napoléon lui-même. La production de fer était à la base de son empire. Il invitait même à son anniversaire les propriétaires de hauts fourneaux. Napoléon a fait la guerre à grands coups de boulets de canon. C'est l'origine de ce livre, la production de mort. Personnellement, je comptais bien l'utiliser à d'autres fins. Ce document fut une très importante découverte pour les années suivantes. Sidérotechnie, édité en 1812 et numérisé sur Google Books. Cet écrit a marqué la fin de cette dernière saison orangée. En mai, les champs de Valencia étant nettoyés de tout orange, je retournais sur Zaragoza pour d'autres tâches. L'entreprise de production et d'expédition d'oignons m'employait dès mon arrivée. Cette fois, je travaillais à l'usine de conditionnement. Fini le mal de dos. J'étais affectée en bout de ligne, après que les oignons étaient nettoyés et mis en caisse. Je prenais ces caisses et les empilais sur une palette, puis mettais cette palette dans un grand frigo. Ce boulot était bien payé, 6 euros, plus de pluie, plus de déplacement, et en plus des heures supplémentaires. En 3 mois, 2500 euros, une fortune par rapport à Valencia. Par contre, ce travail était nerveusement difficile, car il fallait sans cesse compter des caisses. Plus question de penser à autre chose en travaillant. Soulever plusieurs milliers de kilos d'oignons pendant 6 heures chaque jour me sculpta un corps d'athlète. 4 ans à courir dans les champs m'avait doté d'une bonne endurance. Cela additionnait une hygiène de sportif sans alcool, sans cigarettes et avec une alimentation équilibrée. À ce propos, je suis un adepte du plaisir partagé, c'est pourquoi depuis mon arrivée à Valencia, je me nourrissais à 40% de produits bio et issus d'un commerce équitable. Je considère que prendre du plaisir en sachant qu'une autre personne a injustement souffert pour me le fournir est un viol, voire un viol de l'humanité. Cependant, ce concept de plaisir partagé ne s'arrête pas à l'alimentaire. Je l'étendais à toutes mes relations, y compris sexuelles. C'est à Saragossa que j'ai eu ma dernière relation physico-sentimentale. Elle parlait espagnol, un peu plus âgée que moi, masseuse professionnelle, humaniste et très curieuse. Au début, nous avons beaucoup parlé philosophie. Puis nous nous sommes bien entendus et étendus sur beaucoup d'autres thèmes. J'écrirai par la suite un paragraphe spécifique sur mon appréhension de la sexualité, mais d'ores et déjà éviter de faire des interprétations à ce sujet. Je ne suis pas un coureur de jupons. En moyenne, mes relations durent plus d'un an et je pourrais sans peur contacter toutes mes ex. Mon principe, post 25 ans, et de faire du bien qu'aux personnes qui font du bien autour d'elles, globalement rentable. En août, Fin du travail, et malgré le peu de moyens financiers, 2800 euros d'économie pour vivre 3 ans, la décision a été prise de partir en Afrique. J'avais 2 objectifs. L'officialisation de l'association des bureaux d'études et la construction du premier haut fourneau. D'après mes estimations, c'était les 2 projets ayant la meilleure rentabilité en vie. En prenant en compte mes origines, mon histoire, mes compétences et l'espérance de vie des Africains, la bande sahélienne était la zone où, si j'investissais 1 seconde de mon temps, la probabilité de gain de vie humaine était maximum. Pour rappel, 1 seconde de vie d'un Africain a la même valeur que celle d'un Européen, et tout le monde est à la même enseigne. La Terre. Alors, je mettais un point d'honneur à ne pas semer la mort sur ma route, notamment par l'émission de gaz carbonique issue d'énergies fossiles. Sur le continent africain, la récupération d'huile végétale allait être trop difficile. J'entrepris donc d'acheter une remorque pour partir avec suffisamment d'huile pour rouler 13 000 km. Ainsi, avant de me lancer dans cette aventure routière, je chargeai une cuve de 1 000 litres d'huile et 300 litres dans des bidons. Trouver de l'huile en France, c'est facile, car les collectivités et les restaurants doivent payer pour la recycler. Cependant, je souligne qu'un ami de mon frère m'a fourni 800 litres d'un coup. Le 1er novembre, départ de ma ville natale, Albertville, dans le but de générer le maximum de vie, et pour une aventure dont j'estimais avoir 50% de chances d'y laisser ma vie. Grenoble, Valence, Avignon, Montpellier, Perpignan, Figueras, Barcelona, Tarragona, puis étape d'une semaine à Valencia, pour réglage de compte avec 3 actions de vengeance en perspective. La première, retrouver un responsable de quadrilla qui me devait beaucoup d'argent. J'avais pour projet de lui crever les pneus. Après enquête, il avait fui avec toute sa famille en Amérique du Sud, et s'il revenait, d'autres victimes s'en chargeraient. La deuxième cible, l'agence d'intérim ARETT. Après avoir dégommé à coups de pierre toutes les enseignes lumineuses de leur siège, je pédalais jusqu'à leur agence du centre-ville. À 3h du matin, j'ai perforé toutes leurs vitrines. Il est à noter que les vitres étaient blindées et qu'il y avait un système de portes sécurisées comme pour une banque. Étonnant pour une agence d'intérim. Mais j'avais prévu le coup. Un gros marteau et un burin, un outil utilisé pour tailler la pierre. Il pénétra leur protection suite à de grands coups qui firent pendant 5 minutes un boucan énorme dans le silence du petit matin de cette rue bourgeoise et tranquille. Considérez également qu'au préalable, j'avais mis du fil de fer dans leur serrure. En reprenant la route, j'étais encore en dessous du minimum de vengeance requis. Je décidai donc de mettre aussi du fil de fer dans les cadenas de leur entrepôt du Campo del Rouge, où je savais que quelques heures plus tard, des centaines de personnes allaient se présenter pour l'embauche. Le troisième malhonnête, un particulier qui nous avait fait cueillir à 100 kilomètres de Valencia et avait disparu sans nous payer. À minuit, avec une superbe pleine lune, 4 lettres expliquant mon geste et une scie, j'enfourchai mon vélo sur les champs récoltés gratuitement. 200 mètres avant d'arriver, j'avais entendu 2 très gros chiens aboyer, type berger allemand. 2 arbres étaient déjà sciés quand j'entendis se rapprocher au triple galop un quadrupède très lourd. Je sors de sous l'arbre pour affronter avec ma scie les dents des bergers allemands. La lune était dans mon dos, et les canines qui me faisaient face étaient d'au moins 5 cm. À ma grande surprise, elles pointaient vers le haut. J'étais face à un énorme sanglier, de 100 à 120 kilos. Nous restâmes face à face, autant étonnés l'un que l'autre. Il renifla un peu, fit calmement demi-tour, et partit. L'adrénaline me fit exploser de rire en silence. Des habitations étaient à moins de 100 mètres. C'est avec des larmes dans les yeux que je mis les documents justificatifs dans les troncs fendus, puis je fonçai vers le détroit de Gibraltar. J'arrivai à Al-Jazeera le 26 novembre. Financièrement, j'avais 800 euros sur moi, 1 000 euros confiés à mon frère, et 1 000 euros en dépôt au Sénégal, le tout pour 3 ans, et frais de construction du fourneau compris. Autant dire qu'il fallait être économe. C'est pourquoi j'ai pris le billet de bateau le moins cher. Al-Jazeera, Ceuta.